Liberté, sur mes cahiers d'écolière, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, cinq, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerrières, sur la couronne des rois, j'écris ton nom.